ta vue est une galette infestée de routine et de facelettes. Mets un peu de religion dans ta vie, les prêtres ne pourront pas toi tu obéis. Un peu de religion.